Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gourmet du Pré 1860. Question 64. De la punition des mauvais anges. Ses effets sur leur intelligence, sur leur volonté, de leur souffrance, du lieu où ils souffrent. 1. L'intelligence du démon a-t-elle perdu toute connaissance de la vérité? On connaît la vérité par la lumière naturelle et par la lumière de la grâce. La lumière naturelle n'a été ni détruite ni affaiblie dans les démons, elle est une suite de la nature même de l'ange, qui est une intelligence, un esprit, ils n'ont rien perdu de ce qui tient à leur nature, grâce à la simplicité de leur substance. Les mauvais anges, dit saint Denis, ont conservé intègres les dons naturels qu'ils avaient reçus. Il est vrai que leur connaissance matutinale est devenue une connaissance nocturne, mais, à raison de la perfection naturelle de leur intelligence, ils ont encore une connaissance de Dieu plus grande que la nôtre, car s'ils n'ont pas la pureté de la grâce, ils ont l'intégrité de la nature, qui suffit à la connaissance naturelle. Ils connaissent la vérité de trois manières, d'abord, par la subtilité naturelle de leur intelligence, ensuite, par la révélation des saints anges, avec lesquels ils sont encore en rapport à cause de la similitude de leur nature, enfin, par l'expérience. Les secrets de Dieu leur sont révélés, autant qu'il est nécessaire, par les bons anges, et par certains effets temporels de la puissance divine. Note. Le mystère du royaume de Dieu, qui s'est accompli par le Christ, fut connu de quelque façon par tous les anges dès le commencement de leur existence, mais non pas parfaitement ni également. Cette connaissance se perfectionna dans la vision béatifique. Les démons, qui n'y avaient point été admis, ignorait à peu près complètement le mystère de l'incarnation pendant que Jésus-Christ était sur la terre. Ils ne le connurent que par des effets temporels qui étaient propres à les faire trembler. S'ils avaient su, à n'en pouvoir douter, que le Christ était fils de Dieu, ils n'auraient pas, à cause des effets de sa passion, excité les Juifs à le crucifier. 1 Corinthiens 2, 8. Fin de la note. 2. La volonté des démons est-elle obstinée dans le mal? Nous devons tenir comme dogme de foi catholique que la volonté des démons est obstinée dans le mal, et celle des bons anges confirmée dans le bien. Quant à la cause de cette obstination, elle est dans la nature même des intelligences supérieures, et non dans la gravité de la faute. La chute a été pour les anges ce que la mort est pour l'homme, après cette vie, les péchés mortels sont irrémissibles et perpétuels. L'ange, n'allant pas, comme l'homme, d'un point à un autre pour se déterminer, perçoit les choses d'une manière invariable, et l'adhésion qu'il donne est sans retour. Voilà pourquoi les anges qui embrassèrent la justice y furent confirmés, au lieu que ceux qui adhérèrent au mal restèrent obstinés dans le péché. Note. Le premier péché du démon subsiste dans sa volonté, comme l'homicide subsiste dans la volonté d'un homme qui, après avoir voulu assassiner son ennemi, sans y être parvenu, conserve tout à la fois le regret de n'avoir pas commis cet homicide et le désir de le commettre, s'il le pouvait. De cette obstination de la volonté des démons dans le mal il suit qu'en faisant même le bien ils ne font pas une bonne action, quand ils disent la vérité, c'est pour tromper, quand ils confessent la foi, c'est qu'ils y sont forcés par l'évidence. Leurs actes naturels peuvent être bons en soi, mais ils en abusent pour faire le mal. Fin de la note. 3. La douleur est-elle dans les démons? La crainte, la douleur et la joie, considérée comme passion, ne se rencontre pas dans les démons, mais, envisagée comme acte pur de la volonté, elles peuvent y exister. Il est même nécessaire de dire que la douleur se trouve en eux comme acte simple de la volonté, car, ainsi comprise, elle n'est autre que la contrariété qu'éprouve la volonté de ce qui est ou de ce qui n'est pas. Il est clair que les démons voudraient que beaucoup de choses qui existent n'existassent pas, et que plusieurs qui n'existent pas existassent. Ils voudraient, par exemple, que les élus fussent damnés. Il faut donc enseigner que la douleur est en eux, d'autant plus que leur peine répugne à leur volonté. Ils sont exclus de la béatitude qu'ils désirent par nature, et leur volonté perverse est comprimée dans beaucoup de choses. 4. L'air est-il le lieu pénal des démons? L'air ténébreux, dit saint Augustin, sert comme de prison aux démons jusqu'au jour du jugement. L'homme est porté à la vertu par les bons anges, et éprouvé par les mauvais. Ceux-ci ont, en conséquence, deux lieux de supplice, l'enfer, pour le châtiment de leurs crimes, l'air, pour l'épreuve des hommes. Jusqu'au jour du jugement, les bons anges seront envoyés du ciel, et les mauvais de l'enfer, les premiers pour nous aider dans l'œuvre du salut, les autres pour nous tenter. Un grand nombre de démons, cependant, restent dans l'enfer pour le supplice des damnés, et beaucoup de bons anges règnent dans le ciel avec les âmes qu'ils ont sauvées. Après le jugement dernier, tous les démons seront dans l'enfer avec les réprouvés, et tous les bons anges dans le ciel avec les élus. Note. Quand les bons anges sortent du ciel pour venir vers nous, leur bonheur n'est pas plus diminué que la dignité épiscopale ne souffre d'atteinte lorsque l'évêque n'est pas sur son trône. Les démons, dans l'atmosphère, n'éprouvent, de leur côté, aucun adoucissement à leurs maux. Ils portent leur enfer avec eux partout où ils vont. Fin de la note. Markendanarchive.org 2020. Extrait du tome 1er. D'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial. Partage à l'identique.